cuir, la moustache et la cravache. Mes enfants, je dois vous raconter une histoire. Elle s'est déroulée le samedi 17 juillet 2010 à Bonn City. Ce soir-là, ce fut la fin du monde tel que nous le connaissons et l'avènement de l'ère du cuir, de la moustache.